des Jeux du Québec avec notre ami Jeannie Maltais. Première médaille, c'est le fun aujourd'hui enfin. Salut Jeannie! Bonjour Jeannie, Dani. c'est du Borgia pour ça, c'est un nouveau sport. Oui, en Borgia. Boccia, c'est vraiment comparable. Oui, Boccia à la pétanque, Dani. Oui, avec des athlètes là ayant un handicap. Et c'est la Chicoutimienne Roxane Morin-Filion qui a remporté la première médaille, en fait, de la délégation, une médaille d'argent. Cet avant-midi, elle a malheureusement perdu là, ces deux matchs qu'elle disputait. Mais étant donné qu'elle a fait une superbe remontée hier et qu'elle a remporté ces trois matchs, et là, ça l'a placée, là, je dirais, en très, très bonne position, évidemment, là, même pour monter sur le podium. Donc, vraiment, là, son entraîneur, son accompagnatrice était très, très, très satisfait là, de sa performance. Donc, est-ce qu'on a des chances d'en gagner d'autres, des médailles? Dans le premier bloc, je te dirais que c'est pas là où on s'attendait de ramasser, de cumuler le plus de médailles. Déjà une médaille, on est très très très satisfait. Là, je te dirais le bloc 1 se termine demain midi. Par la suite, les athlètes du bloc 2 arrivent en après-midi. Dans le bloc 2, là, c'est certain qu'on s'attend là à plus de médailles. Mais déjà avec une médaille, on est en bonne position. Là, je te dirais qu'on s'attendait d'en avoir à peu près une, peut-être deux. Donc jusqu'à présent, là, au classement, là, c'est pas une surprise. Hey, Boschia, comment ça s'écrit? Parce que j'essaie de chercher ça sur Internet en même temps que je te parle. Boschia, c'est ça? Non, c'est Boschia. OK. Boxia, OK. Oui. Sais-tu que Wikipédia... En tout cas, je vais fouiller ça tout à l'heure. Hey, Jenny, en passant... je vais fouiller ça tout à l'heure parce qu'il y a toujours des nouveaux sports. Hein. Cet été, c'était sauvetage sportif. J'ai jamais entendu parler de ce sport-là après les Jeux du Québec. Puis tu me disais, en vendant un nom, qu'il est encore en démonstration. Oui, encore en démonstration. C'est certain qu'étant donné que c'est une discipline en démonstration, on a un peu moins de résultats. En fait, on n'a pas du tout de résultats là, qui entrent. Et c'est pas considéré comme étant c'est ça, une discipline là vraiment faisant partie des Jeux du Québec, mais c'est vraiment en démonstration. Comme le tennis en fauteuil roulant, si je me trompe pas. Écoute, il y en a deux autres là, dans le guide des médias, là. Mais bref, là, ce sont les mêmes athlètes un peu là, de la région qui ont participé l'été dernier aux Jeux du Québec qui sont également présent, là, ici même à Drummondville. Bon, Aïk, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu étais allé en Chicoutimi en 2013? Non, c'est... malheureusement, je n'y étais pas. Okay, et non. C'est parce qu'il y avait quelqu'un, une athlète autiste qui avait remporté une médaille. Elle venait de Robertville dans le patinage artistique, puis je voulais savoir si elle était là encore cette année, mais oui. Oui, oui, et tu parles d'Emilia Turcotte. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est là encore cette année? Elle est là encore cette année, ça tombe bien que tu en parles, parce qu'elle va entrer sur la glace, son numéro en patinage artistique sera présenté à 17h15 tantôt. C'est vraiment fantastique, elle là, là, parce que j'avais fait une entrevue avec sa mère, c'est une belle histoire humaine au travers de ça, parce que, tu sais, elle est autiste, et puis bon, elle me demande beaucoup, beaucoup de quoi. Tu sais, quand on dit pousser au maximum, là, sa capacité, c'est vraiment fantastique dans son cas, là. Ah oui, puis je sais qu'elle était très fébrile aussi. Elle a participé à la cérémonie d'ouverture lorsqu'elle est arrivée. Puis là, ça fait déjà 3 jours qu'elle est ici, qu'elle se prépare là, pour sa compétition. Jeannie, maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller demain? Ben là, présentement, en fait, ce midi, les femmes en curling ont perdu. Provisoirement, elles seraient classées 5e. En hockey féminin, les femmes seraient provisoirement à peu près soit 11e ou soit 12e. Elles ont malheureusement aussi perdu leur match là, disputé cet avant-midi. Nage synchronisée, Maïka Savard de Chicoutimi a terminé 10e en solo. Là, présentement, ce sont les finales en équipe. Maïka fait partie de l'équipe aussi, donc il y a beaucoup d'action là, à l'aqua complexe. Donc, ça bouge là, beaucoup dans la piscine. Patinage artistique, on a en début d'après-midi deux athlètes là, qui ont performé. Chez les hommes, ça débute à l'instant Derek Dufour qui sera sur la patinoire. On a eu du ski de fond aussi. C'était les départs, là, en fait, 7 km, 5 km chez les midgets, les juvéniles. Et Pascal Côté a très bien performé, lui qui partait en 4e position. Il a finalement terminé 5e. Et là, j'ai pas plus de détails encore. J'ai pas parlé à l'entraîneur là, sur comment ça a été là pour les autres membres de l'équipe. Mais je sais que Frédéric Bergeron de Chibougamau a terminé 17e. Chez les femmes, juvéniles, Noémie Tremblay, 14e, Méanne Girard, 15e, Émilie Dinado de Dolbeau, 20e. Donc, ça a très bien été. Et tennis de table, les épreuves se terminent, je crois, en fin de journée, si je ne me trompe pas. Beaucoup d'athlètes de Chibougamau, entre autres, là, en tennis de table. J'aurai plus de détails demain là sur les résultats. Janie, là, tu m'as dit ce qu'il y avait des résultats. Demain, est-ce que tu as une indication un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient? Demain, en fait, c'est le changement de bloc. Oui, surtout le changement de bloc là, des athlètes là, qui vont partir de la région et qui vont s'en venir là, nous rejoindre ici. On prépare le départ aussi des athlètes là, du bloc 1. Tennis de table, il va peut-être rester là des petites choses à faire, mais encore là, si on n'accède pas à la ronde de médailles, on sera pas là sur le terrain demain. Nage synchronisée, en principe, c'est terminé aussi pour nous. Ça va être tranquille demain. Je dirais qu'on va plus se préparer pour l'arrivée des athlètes là, qui partent là, très tôt demain matin. Là, généralement, quand c'est un changement de bloc, il y a un changement de logistique aussi, hein? Normalement, Jenny. Hein? C'est pour vous autres, là, c'était. Oui, on recommence un peu là, comme on a fait vendredi à la cérémonie d'ouverture, à l'exception que les athlètes qui arrivent ici à Drummondville vont prendre part à la cérémonie de fermeture samedi soir prochain. Donc, on prend le temps là de passer à l'accréditation, à l'hébergement. On va évidemment, le chef de mission Alexandre Lallemand va les rencontrer là, les entraîneurs aussi pour donner quelques informations, des détails sur le fonctionnement là, de toute la machine. Puis une fois que ça va être parti, tout ça, bien, on va être sur les sites de compétition avec eux dès mercredi matin. Au tableau des médailles, c'est la Rive-Sud, si tu me corriges, je me trompe, qui mène avec 17 médailles or, 10 d'argent, 11 de bronze. Et l'Outaouais, je pense qu'il est deuxième, hein, à 35 médailles. C'est même. C'est toi qui l'as de sous les yeux. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas encore. Je suis allée accrocher par contre la première médaille de la région tantôt. Je viens de voir ça sur les médias sociaux, puis je viens les liker en même temps. Jenny, on rappelle donc 17h à surveiller le programme d'Émilia Turcotte en patinage artistique. Elle est de Robert Barre et c'est vraiment son courage. Je pense que plus qu'une médaille d'or pour elle, là, elle est autiste. Puis on va s'en reparler demain, Jenny, s'il te plaît. Parfait, voilà, Jenny Matin en provenance de Drummondville pour les Jeux du Québec.